suis un fils de pute, faux frère de Belzébuth. Dès que quelque chose de moche t'arrive, je m'en remplis les poches. Des gros malheurs me font vivre, des petits malheurs me font survivre. Des gros malheurs me font vivre, des petits malheurs me font survivre. Que la terre ne tourne plus rond, s'écarte ses cailles ou bien sinon des larmes, des fleurs, les pleurs d'enfants augmenter mon compte en banque. J'appelle à l'aide, j'appelle au secours, venez sauver ces petits amours. Ma litère ça coûte très cher, en petite dépense intermédiaire, chez moi pas plus d'un tiers. Maladie c'est pas méchant, ça fait juste les défraiements, sauf le cancer et le sida, ça fait chauffer tous les médias. Mais pour se faire un max de fric, faut larmoyer à grande échelle. Amenez-moi un petit cédric, homéopathie ou vicilose. Moi ce qu'il me faut c'est la vicose, dit pleurer, dit overdose. La bonne santé c'est pas vendant, mais moi là-dessus je prends 30%. Les grands malheurs font ma fortune, appel à l'aide, appel au secours. Pour les famines j'ai plus de mal, je n'aime pas jouer avec la bouffe. Mais je m'en sors avec les troupes, alors je préfère en envoyer. Dans les pays sous-développés, en Somalie je pique du riz. Afghanistan, médicaments, la vache qui rit à Piscine. Quand on a faim, on mange de tout, on ne refuse pas un coup de main. Que ce soit en Orient, parfois en Occident, je ne peux m'empêcher d'y mettre le bout de mon nez. Est-ce que j'y peux quelque chose? À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on vient de me chercher, je suis le meilleur sur le marché. Ils achètent ce que je vends et je prends 30%. C'est l'industrie du grand malheur, c'est la bidouille des petites pleurs, c'est le calcul des bons plans, jamais à moins de 30%. C'est l'industrie du grand malheur, c'est la bidouille des petites pleurs, c'est le calcul des bons plans, jamais à moins de 30%.